Dossier 9. Leçon 2. Logement en ville. Activité 7. Allô? Eva, c'est Caroline. Ça y est, j'ai enfin trouvé un studio. Oh, super! Et il est comment? Il fait 28 mètres carrés. C'est au 3e étage. Et il est très lumineux. C'est plein sud. Il est en bon état? J'ai beaucoup de chance. Il vient d'être refait à neuf et la cuisine est équipée. Il y a un four, deux plaques, des placards, mais pas de réfrigérateur. Mais bon, ça ne fait rien. Je vais en acheter un petit. Dis-moi, c'est combien le loyer? 550 euros par mois. C'est un peu cher, mais les charges sont comprises. Je n'ai pas de frais d'agence à payer. Le propriétaire est un ami de mon père. J'ai seulement un mois de caution à payer. Je signe le bail demain. Je suis ravie pour toi. Je viendrai te voir quand tu seras installée. C'est d'accord. Je te rappelle, promis. Ciao.